Chapitre 10e, le serrurier. Tandis que Léon Roland, sa mère et les deux jeunes filles descendaient du modeste fiacre à la barrière de Belleville, et gravissaient à pied la montée de la rue de Paris pour gagner le restaurant des vendanges de Bourgogne, trois hommes postés derrière le bâtiment de l'octroi, à une certaine distance, les considéraient avec attention. L'un d'eux, vêtu d'une blouse bleue et sa casquette enfoncée jusqu'aux yeux, comme s'il eût voulu cacher soigneusement son visage, disait à mi-voix « Tu vois bien, Nicolo, et toi, le serrurier, tu vois bien ce grand dadais qui monte la rue avec ses trois femmes au bras ?»« Oui, » répondirent Nicolo et le serrurier. « Eh bien, c'est notre homme, » dit Collard, car c'était lui qui s'était ainsi embusqué sur le passage de Léon Roland. « Suffit, » murmura Nicolo, espèce d'Hercule trapu qui eût assommé un bœuf d'un coup de poing. « Bon, » dit le serrurier, « j'ai ma leçon faite. » « T'en souviens-tu bien, parbleu ? Nous nous mettrons dans la même salle qu'eux. Puis, j'aurai l'air de l'apercevoir, je pousserai un cri d'étonnement, et j'irai lui donner la main. Et comme il sera étonné à son tour, et dira qu'il ne me connaît pas, je lui répondrai. « De quoi ? Tu fais le fier avec les amis ? Tu es pourtant bien Léon Roland, ouvrier béniste, et tu as une bonne amie qu'on nomme Pauline, à preuve que tu as deux enfants. »« Parfait, » murmura Collard. « Ça fait qu'il se fâche, et j'ajouterai. » Pauline, une grande blonde qui est passementière et qui demeure rue Vieille du Temple. Très bien, très bien. Alors, s'il me traite de menteur, je lui allonge un coup de poing. Et moi, dit tranquillement Nicolo, je la sauve en 5 minutes. Bravo, mes drôles, allons, à l'œuvre. J'attendrai dans le voisinage. Et Collard s'en alla, tandis que les deux bandits se mettaient à suivre de loin Léon Roland. Mais ni eux ni Collard n'avaient aperçu ou du moins remarqué un homme en blouse comme eux, assis sur un banc du bâtiment de l'Octroi, fumant tranquillement une pipe, et leur tournant le dos avec l'indifférence d'un honnête ouvrier qui ne s'occupe de personne. Cet homme se leva alors et il suivit le serrurier et Nicolo, absolument comme ceux-ci suivaient Léon Roland. C'était un grand garçon de 30 à 35 ans, brun, les épaules larges, et dont les mouvements et la démarche trahissaient une vigueur herculéenne. Malgré son costume, qui était celui d'un ouvrier, il avait les mains aristocratiques et blanches, et si nous l'eût regardé de bien près, on aura pu remarquer sous sa blouse une fine chemise de batiste qui eût attesté sur le champ que la blouse était un déguisement. « Je crois, Dieu me pardonne, » murmura-t-il en se mettant en route, « que je vais pouvoir empêcher une mauvaise action. La mine de ces deux drôles que j'ai rencontrés tout à l'heure m'a étrangement impressionné. Attendez, mes amis, » acheva-t-il avec un demi-sourire, « vous n'avez pas encore achevé votre besogne. Soyez tranquille, Armand de Kergaz a le coup de poing aussi lourd que vous. Et de plus, il sait un peu de cette science redoutable qu'on appelle le chausson. » Et Armand, car c'était lui, l'homme de bien infatigable, à qui tous les déguisements étaient bons pour semer à travers Paris son or et prodiguer les élans de son noble cœur, continua à suivre les deux bandits. Cependant, Léon et les trois femmes auxquelles il servait de cavalier avaient atteint l'entrée des vendanges de Bourgogne. Ce restaurant, aujourd'hui disparu, se trouvait situé tout près de l'église de Belleville, et il était, le dimanche, le rendez-vous des petits bourgeois et des honnêtes ouvriers du faubourg du Temple et des quartiers environnants. Tandis que dans les cabarets voisins, on buvait du vin bleu en se querellant, aux vendanges de Bourgogne, il n'y avait jamais ni bruit, ni tapage, ni dispute. On eût dit une succursale du paisible café turc, ce club des bourgeois du Marais. Léon Roland fit traverser aux jeunes filles et à sa mère la salle du rez-de-chaussée, où il n'y avait encore que peu de monde, et les conduisit au premier étage, où se trouvait un petit salon garni de 3 tables, l'une ronde, placée devant la fenêtre, et pouvant supporter 6 couverts, les 2 autres, dressées à gauche et à droite de la porte, et ne pouvant offrir de place qu'à 2 convives chacune. Les murs de cette petite salle, qui prenaient pompeusement sur les vitres du rez-de-chaussée le nom de salon de société, étaient couverts d'un papier verdâtre à rosaces jaunes, et ornés de quelques lithographies enluminées et encadrées en bois noir, qui représentaient Waterloo, la bataille d'Austerlitz et le siège de Constantine. Sur la cheminée, une pendule à colonne d'assez mauvais goût était symétriquement accompagnée des traditionnelles vases de porcelaine dorée qui forment l'invariable assortiment de ces sortes de produits. Léon prit possession de la table ronde, il plaça Jeanne à la droite de sa mère, Cerise à sa gauche, et lui-même s'assit à côté de la jeune ouvrière. 3 minutes après, Nicolo et le serrurier entrèrent, saluèrent et s'assirent. Le garçon du restaurant, qui était peu habitué, le dimanche surtout, à voir des gens en blouse monter au premier, laissa un moment Léon, qui lui donnait des ordres, pour s'approcher des nouveaux venus. Est-ce que vous voulez dîner ou simplement boire un litre ? Demanda-t-il. Nous voulons dîner, répondit Niccolo. Voulez-vous descendre dans la salle du rez-de-chaussée ? Non, dit le serrurier, nous sommes très bien ici. Et il s'installa, jetant un regard à l'ouvrier ébéniste qui lui tournait le dos en ce moment, mais qui avait laissé échapper un petit mouvement d'épaule qui trahissait son mécontentement de voir le petit salon ainsi envahi par des gens de mauvaise mine, surtout en présence de Mademoiselle Jeanne. Le serrurier et Niccolo avaient à peine témoigné leur volonté formelle de dîner au premier, qu'un nouveau personnage apparut sur le seuil de la salle. C'était Armand. Il salua poliment et s'assit tout seul à la table de gauche, de façon qu'il se trouva placé en face de Léon Roland et des trois femmes, et à trois pas de distance des deux misérables envoyés par Collard. Armand demanda à dîner et commença par regarder fixement le serrurier et Niccolo. Ceux-ci, comme tous les gens qui s'apprêtent à commettre une mauvaise action et craignent d'être dérangés, ceux-ci, disons-nous, échangèrent un coup d'œil de vif mécontentement. « Que veut-il celui-là ? » murmura Niccolo à voix basse. « Il a l'air solide, » répondit le serrurier. « Pourquoi donc il me regarde ? Je vais te lui pocher un œil, moi, » continua Niccolo. « Hum, » fit le serrurier, « il a des épaules. » En ce moment, Léon Roland tourna la tête et aperçut Armand. La physionomie ouverte, noble et franche du jeune homme détruisit aussitôt chez l'ouvrier l'impression désagréable que venait de produire sur lui l'entrée des deux bandits. « Tiens, s'écria le serrurier, c'est toi ? Bonjour, Camaro !» Léon le regarda étonné. « Est-ce à moi que vous parlez ? » demanda-t-il. « Parbleu !» répondit le serrurier. « Je crois que vous vous trompez. Moi, je suis sûr du contraire !» répondit le serrurier. « Vous vous nommez Léon, c'est vrai. Léon Roland, ouvrier béniste. C'est encore vrai, mais je ne vous ai jamais vu. Bon, fit le serrurier d'un ton insolent. Nous sommes donc fiers avec les camarades parce que nous avons du sexe avec nous. Monsieur, s'écria Léon indigné, je crois que vous insultez ma mère. Et même, continua le serrurier, tu as une bonne amie. Le serrurier n'acheva pas car les deux mains d'Armand, qui s'étaient levées brusquement, s'arrondirent autour de son cou et le pressèrent comme un étau. Lâche, lui dit Monsieur de Carugaz, tu as compté sans moi pour venir insulter des femmes. « À moi, Niccolo !» hurla le serrurier d'une voix étranglée. Niccolo, un moment stupéfait de la brusque intervention d'Armand, s'était déjà armé d'un couteau qu'il avait pris sur la table, et le brandissant, il allait se précipiter sur M. de Kergaz, sous la rude étreinte duquel le serrurier, à demi asphyxié, fléchissait en roulant des yeux hagards. Mais une des mains d'Armand abandonna ce dernier, qu'une seule fut assez forte pour maintenir, et l'autre se trouva sur le champ et, comme par miracle, armé d'un pistolet à deux coups dont le canon fit reculer Niccolo. Tout cela s'était passé si rapidement et d'une façon si bizarre que Léon, la paysanne et les deux jeunes filles en étaient encore frappés de stupeur. L'ouvrier s'était levé à demi. Les jeunes filles étaient pâles et tremblantes et attachaient un œil éperdu sur Armand qui maintenait ses deux adversaires à distance. L'abus d'une arme à feu n'intimide que médiocrement l'homme réellement brave et loyal. Mais elle fait toujours trembler le bandit, le lâche, habitué à se servir du couteau ou du poignard. Le misérable qui ne devient courageux que pour le vol ou la rapine. Le pistolet d'Armand produisit donc un effet de vraie terreur sur le saltimbanque, l'Hercule forain, habitué à avaler des lames de sabre, et recula jusqu'au mur. En même temps, Armand jetait rudement le serrurier à 10 pas de lui et leur disait « Maintenant, mes drôles, si vous ne vous tenez pas tranquille et avez le malheur de m'interrompre, je vous casse la tête à tous deux. » Le ton de M. de Kergaz était froid et impérieux à la fois, et la résolution qui brillait dans son regard était si nette que Niccolo et le serrurier demeurèrent quelques instants domptés et pour ainsi dire fascinés. « Monsieur, dit alors Armand à Léon, vous avez sans doute un ennemi aussi acharné que lâche, car il a ameuté ces deux misérables contre vous, et ils ne sont venus ici que dans l'intention de vous faire un mauvais parti. « Monsieur, balbutia l'ébéniste au comble de l'étonnement. Et tandis que, stupéfaits eux-mêmes, les deux drôles regardaient Armand d'un air hébété, celui-ci raconta brièvement à l'ouvrier ébéniste la conversation qu'il avait surprise entre Collard, Niccolo et le serrurier. « Voilà qui est bizarre !» murmura Léon, qui ne se savait pas d'ennemis, et demeurait convaincu, plus il regardait les deux bandits, de ne les avoir jamais rencontrés. « À présent, acheva Armand en leur montrant la porte, si vous ne voulez avoir affaire à moi, sortez !» Et l'accent de cet homme était si dominateur que les deux drôles sortirent, mais en murmurant de ton de menace, « Nous nous reverrons, canaille !» Niccolo et le serrurier partis, les trois femmes qui venaient d'assister à cette scène, aussi émouvante qu'imprévue, commencèrent à respirer et Jeanne, qui était la plus tremblante, se remit peu à peu de son émotion. En même temps, Léon courut à Armand les mains tendues, et se trompant à son costume, il lui dit « Camarade, vous êtes un brave cœur, et mon amitié vous appartient à la vie et à la mort. » « Merci, » répondit Armand, qui, depuis quelques secondes, regardait avec attention le visage pâle, un peu souffrant mais si noblement beau de Jeanne. « Et tenez, » continua l'ébéniste, avec cette naïve et franche expansion du peuple honnête, « si vous voulez nous faire plaisir et nous donner le temps de vous remercier, ne seriez pas fier, dîner avec nous. » Armand tressaillit, hésita, et il eût refusé si l'œil de Jeanne lui semblait lui dire « Ne nous refusez pas, monsieur. » « Soit, » dit-il en saluant de nouveau la mère de Léon et les deux jeunes filles, « j'accepte. » Cependant, Niccolo et le serrurier avaient rejoint Collard dans un cabaret du boulevard extérieur. « Flambé !» dit le serrurier en abordant l'âme damnée du capitaine Williams. « Vous l'avez assommé ?» interrogea Collard, joyeux et se méprenant au sens du mot « flambé ».« Ah bah oui, c'est-à-dire que nous avons été rossés, mais rossés d'importance. » « Par Léon ? Deux hommes contre un seul ? Léon, allons donc, il n'a seulement pas bougé. Eh bien alors ? Le diable s'en est mêlé, voyez-vous. » « Le diable ? » fit Collard impatienté. « Connais pas. » « Ou un homme qui lui ressemble ? Il m'a presque étranglé. » « Et moi, » ajouta Niccolo, « il a voulu me brûler la cervelle. » Et Niccolo, qui avait le don de la parole, raconta succinctement à Collard de quelle façon Armand était intervenu. « Et vous avez lâché pied, imbécile ? » s'écria Collard avec colère. « Vous en eussiez fait autant à notre place. Mais quel est cet homme ? Je ne sais pas, » dit Niccolo. « Ni moi, » murmura le serrurier. « C'est le diable. »« Corbleu, » s'écria Collard, « je le saurai, moi. » Il s'installa derrière le volet d'une fenêtre du premier étage et darda un regard ardent sur la rue, disant à Niccolo « Tu le reconnaîtrais bien, n'est-ce pas ? Parbleu, entre mille. Alors attendons. » Ils attendirent une heure, enveloppant d'un coup d'œil investigateur tout homme qui descendait la rue de Paris pour franchir la barrière. Puis tout à coup, le serrurier poussa un cri étouffé. « Le voilà » dit-il. Et Collard vit Armand de Kergaz, qu'il reconnut malgré son déguisement, traverser le boulevard en donnant le bras à Jeanne de Balder, que suivaient Cerise, Léon et sa mère. « Sang de Dieu ! » exclama-t-il en se précipitant au dehors. « Nous sommes propres, c'est Armand !»